au moral, maintenant. Est-ce qu'il va avoir l'esprit vif, lui aussi? Non, il va être stupide. Mais non. Il va être intelligent et avoir l'esprit vif, lui aussi. Un peu moins vif que Mireille, peut-être, mais il ne va pas être stupide. Il est sociable, mais il parle moins que Mireille. Il est aussi moins moqueur qu'elle. Il est plus indulgent. Au moral, maintenant. Au moral. Il va être intelligent. Il va avoir l'esprit vif. Il va avoir l'esprit vif, lui aussi. Est-ce qu'il est stupide? Non, il est intelligent et il a l'esprit vif. Il parle moins que Mireille. Il parle moins que Mireille. Il est aussi moins moqueur qu'elle. Il est moins moqueur. Il est moins moqueur qu'elle. Il est plus indulgent. Il est plus indulgent. Est-ce qu'il parle beaucoup comme Mireille? Non, il parle moins que Mireille. Est-ce qu'il est aussi moqueur que Mireille? Non, il est moins moqueur qu'elle, il est plus indulgent. En somme, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Ils sont même assez différents. Mireille est plutôt petite, Robert est plus grand. Elle est blonde, il est brun. Elle fait du patin à glace, il fait du patin à roulette. Elle a les yeux bleus, il a les yeux marrons. Elle est très moqueuse, il est moins moqueur. Elle est très vive, il est plus calme. Qu'est-ce que la rencontre va donner? Ah, parce que dans l'histoire, le jeune homme va rencontrer la jeune fille. Oui, peut-être. Ou bien la jeune fille va rencontrer le jeune homme. Tout est possible. Le hasard est si grand. En somme, ils ne se ressemblent pas beaucoup. En somme... Ils ne se ressemblent pas. Ils ne se ressemblent pas beaucoup. Est-ce que Mireille et Robert se ressemblent? Non, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Ils sont même assez différents. Différents. Assez différents. Assez différents. Ils sont assez différents. Ils sont assez différents. Ils sont même assez différents. Ils sont même assez différents. Qu'est-ce que leur rencontre va donner? Leur rencontre, leur rencontre, rencontre. Leur rencontre, leur rencontre. Qu'est-ce que leur rencontre va donner? Qu'est-ce que leur rencontre va donner? Qu'est-ce que leur rencontre va donner? Ah, parce que le jeune homme va rencontrer la jeune fille. Le jeune homme va rencontrer la jeune fille. Il va rencontrer la jeune fille. Il va rencontrer la jeune fille. Le jeune homme va rencontrer la jeune fille. Oui, tout est possible, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Le hasard est si grand. Le hasard, le hasard, le hasard. Le hasard est si grand. Le hasard est si grand. Le hasard est si grand. Est-ce que Mireille va rencontrer Robert? Oui, peut-être. Tout est possible. Le hasard est si grand.